C'est l'heure des aventuriers avec vous, Fabienne Chauvière, bonjour. Bonjour. On va s'intéresser ce matin à de très petits animaux dont on célèbre l'année internationale. Mais oui, 2018 est l'année internationale des récifs coralliens. Ils sont en régression partout dans le monde car ils subissent le réchauffement des eaux de surface et les pollutions côtières. Pour bien comprendre comment fonctionnent les coraux, il faut s'adresser à une océanographe comme Pascale Joanneau. Pascale Joanneau est une spécialiste des coraux. Elle nous rappelle que le corail est vivant. Écoutez comment il se forme. Les ovules et les spermatozoïdes se rencontrent, forment un œuf qui va se développer donc en une petite larve. Alors elle va nager, tant bien que mal, au gré des courants. Et là, cette petite larve va se transformer en un premier polype. Ce polype va construire son premier squelette, son premier donjon, sa première carapace, si vous voulez, en calcaire. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que ce petit polype va se diviser en deux, puis en quatre, puis en huit, jusqu'à faire une colonie. Lorsque vous marchez sur la plage, que vous prenez un corail mort, que vous n'avez que le squelette, eh bien ces petits trous, ce sont les loges dans lesquelles, lorsque le corail était vivant, il y avait les petits polypes. Chaque polype est un individu. Quand on regarde par exemple une patate de corail et que vous la coupez, eh bien vous verrez que la partie vivante est simplement en surface. C'est comme si le corail habitait le dernier étage d'un immeuble qu'il construit au fur et à mesure, mais qu'il vide. C'est-à-dire qu'il est un peu snob, si vous voulez. Il habitera toujours l'attique de son immeuble et il laissera les autres appartements vides. Pascale Joanneau, si je comprends bien, un petit immeuble de corail, puisqu'on va reprendre cette image, est fait de clones du premier polype. En principe, oui. C'est comme ça que ça marche. Oui. Le corail peut ainsi mettre des siècles à construire cet immeuble. Mais d'ailleurs, Fabienne, le corail grandit à quelle vitesse ? Oh bah, il faut laisser Pascale Joanneau répondre. Le corail grandit très lentement. Alors, les coraux les plus rapides en croissance, certains grandissent 8 à 10 cm en hauteur par an. Mais les grosses patates que l'on trouve dans la mer, qui peuvent faire 1 mètre de diamètre, 5 mètres de diamètre, eh bien, elles ne grandissent que de 0,8 à 1 cm de diamètre par an. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en plus, les coraux sont des livres ouverts sur la météorologie. Parce que selon que la température de l'eau est plus ou moins chaude, le corail va faire son squelette plus ou moins rapidement ou plus ou moins lentement. C'est le corail qui fait le sable blanc, qui glisse sous nos pieds, sur les plages tropicales. Malheureusement, le corail est menacé par le réchauffement climatique, l'acidification des océans et les activités humaines. Oui, d'ailleurs, le ministère japonais de l'Environnement a annoncé mercredi que le changement de température de l'eau était en train de détruire des coraux les plus septentrionaux de la planète. Et il n'y a pas que 20% des récifs coralliens ont déjà été détruits. C'est un drame car les coraux abritent des milliers d'espèces de poissons. Le corail vit en association avec des petites algues symbiotiques microscopiques qu'on appelle les zooxanthelles. Et vraiment, c'est une symbiose parfaite, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Le corail qui construit le récif a des petites cellules dont il se sert pour capturer le plancton dont il se nourrit. Ce plancton, il a des déchets, et ces déchets, ça sert, entre guillemets, d'engrais pour l'algue. Donc c'est vraiment la symbiose parfaite. Et quand il y a un stress, il y a une espèce de divorce entre l'algue et le corail. On ne sait pas trop qui met l'autre dehors. Mais toujours est-il que les algues ne colonisent plus le corail. Et petit à petit, le corail va blanchir. L'algue et le corail sont liés pour la vie. Et donc quand l'autre part, le corail va mourir petit à petit. Et quand le corail blanchit, ensuite il meurt ? Quand le corail blanchit et que le stress perdure, il meurt. En revanche, si le stress ne perdure pas, c'est-à-dire que si la température de l'eau se régule, le corail peut quand même se réguler. Et je signale à l'Océanopolis de Brest l'exposition « Chaud les coraux » qui permet donc de découvrir la vie sous-marine de ces drôles d'animaux qui vivent sous la mer depuis près de 500 millions d'années. Et votre chronique « Les aventuriers » Fabienne Chauvière, c'est aussi sur franceinter.fr.